D'après le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, les milieux civils et sociaux sud-coréens ont mis sur pied le 9 la Fondation de mémoire pour la justice contre l'accord sud-coréen-japonais sur le problème des esclaves sexuels au service de l'armée japonaise. Ce jour-là, les formations civiles et sociales, notamment le Conseil de mesure des problèmes des femmes de réconfort de Corée du Sud, ont tenu à Séoul une conférence de presse concernant l'établissement de la Fondation. Les orateurs ont souligné que le 28 décembre de l'année dernière, le gouvernement japonais a tenté la solution définitive et irréversible sans reconnaissance des crimes de guerre, ni excuses officielles, ni indemnisation juridique, alors que le gouvernement de Bakune l'a convenu. D'autre part, le 7 courant, le journal sud-coréen Hanguk Ilbo a critiqué la traîtrise pro-japonaise des autorités militaires sud-coréennes qui sont toujours dans l'embarras à la diplomatie militaire vis-à-vis du Japon, notamment au pourparlers militaire nippo-sud-coréen tenu récemment à Singapour.